Boum boum. Boum boum. Musique française curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Sur Prune 92 FM. Jonas, Vincent. Chante Serge Gainsbourg. Yes. Dans Boum Boumo, musique française curieuse. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas le quatrième mercredi du mois, nous sommes le cinquième, je crois. C'est le dernier mercredi de chaque mois. Pas le quatrième, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on change le jingle. Ouais, parce qu'au début. Ah, ça, c'est la faute à Prune. Au début, on nous a dit que nos nouveaux horaires, c'était quatrième mercredi du mois. Finalement, c'est dernier mercredi du mois. Désolé pour nos milliers d'auditeurs et d'auditrices qui étaient à l'écoute mercredi dernier. Dizaines, centaines de milliers. Comment ça va, Jonas ? Ça va très bien, et toi, Vincent ? Bah, ça va plutôt bien. Je te cache pas que c'est le mois de mai, il fait hyper beau. On serait quand même bien resté en terrasse à boire des verres. Mais nous avons une mission, finir cette 9e saison de Boum Boumo. Exactement. Diffuser encore et toujours plus de musique française curieuse. Mmh. Et puis, s'élancer, s'échauffer pour notre 10e saison, notre 10e anniversaire 2014-2024, ce sera très bientôt. Yeah. On va commencer cet échauffement dans les semaines, dans les minutes, dans les semaines et dans les mois qui viennent avec la soirée Bal Boumo dont je parlerai tout à l'heure, le 13 juillet à Bras de Fer. Yep. Boum Boumo est fier de vous annoncer la naissance de sa petite sœur Bal Boumo, consacrée non pas aux musiques françaises curieuses, mais aux musiques des pays de France, musique curieuse des pays de France. On en reparlera tout à l'heure, d'autant que on accueille en deuxième heure Solange aka Marie Beyoncé. Elle était parmi nous dans l'équipe de l'émission Bébé de bébé. En 2014, en 2015, en 2016, en 2017 peut-être aussi, j'ai un doute. Oh là là, ma mémoire me fait défaut, tu sais, c'était il y a très longtemps. Brigitte Bardot de Boum Boumo, voilà. C'est vrai qu'on l'appelait comme ça, Sol Diable aussi, elle est devenue Marie Beyoncé. Elle fait toujours de la musique et elle sera avec nous en deuxième heure, elle nous rejoindra. Mais d'abord, en première heure, on accueille encore un DJ de Fauve Radio. Désolé pour la concurrence à Prune. Coucou Youps, comment ça va ? Ça va super, merci les gars. Après Romain FX le mois dernier, qui était avec nous, assis non pas à ta place, mais juste en face. C'est un autre DJ de Fauve Radio et de Sable Mouvant aussi. Alors toi, tu as deux crews, tu peux nous en parler brièvement. On n'a pas eu le temps, je crois, d'en parler avec Romain de Fauve, notamment, pour commencer. Ouais, bah sur Fauve, du coup, c'est un crew formé par Romain en 2016 à Hong Kong. Et qui, voilà, c'était une web radio avec un local et il a déporté ça quand il s'est installé à Nantes pendant le Covid il y a quelques années déjà. Et voilà, il a recréé une team avec Thibaut, Jimmy. Qui est déjà venu dans Boum Boumo lui aussi. Qui est déjà venu aussi et du coup et moi-même. Et voilà, on a relancé tout ça sous forme de podcast, toujours avec la vibe, faire des ponts entre Asie, Europe, Amérique du Sud, très, très worldwide. Et bientôt organiser plus des events avec des ponts sur Nantes et ailleurs même. Il y a eu une grosse teuf à Trempeau il y a pas très longtemps là, qui avait l'air d'être bien bien vénère. Ouais c'était super. On a invité le crew Jazzy Sport avec Yukari Bébé qui nous arrivait direct du Japon et Tony Doenina qui était sur le Jazzy Sport London de Londres. Enfin c'était génial. On a trop kiffé sur Trempeau et ça nous a poussé encore plus à continuer tout ça. Mortel, Fauve Radio. Toi, à l'origine, t'es pas du tout, tu viens pas du tout d'Asie comme Romain FX nous avait raconté lui son petit parcours le mois dernier. Toi, c'est plutôt Nantes. C'est aussi ce qui te connecte avec ce deuxième crew, Sable Mouvant. C'est ça, Nantes est pure souche. Et du coup, Sable Mouvant, là, c'est les copains. On se connaît tous depuis quelques années. C'est un crew avec trois DJ résidents. Lucas, Gabriel et moi. Et on amène la touche tatouage avec une résidente, Irène Fluor. Qui on essaye le plus possible lors des events de la faire tatouer et mélanger tout ça sur des gigs open air sur Nantes aussi. Ouais. Mortel, Youps, Sable Mouvant, local de l'étape. On va pas donner ton adresse, mais tu habites vraiment tout près de la radio. Je vois quasi mon appart. Ouais. Merde, j'ai oublié de fermer la fenêtre en partant. On est trop content de t'accueillir. Premier passage dans Boum Boumo. Ouais. C'est pas franchement le cœur de ce que tu fais, la musique française. Quoique tu joues un petit Jean-Pierre Massiera, tu l'as joué à Safe Place l'autre jour et j'ai entendu dans une story que tu as postée que tu l'as rejoué à la Sablière à Sainte-Luce. Tu m'avais bien chauffé, je me suis dit, allez, il part lui. Ouais. Mortel, donc musique française et francophone ce soir, dans quelle direction tu vas partir? Dans une vibe très eurodisco, synth-pop, peut-être un peu euro-house, voilà. Je suis allé piocher, comme je te disais, dans mes bacs du début, l'amour de la disco, l'amour de la chanson française. Pas forcément des trucs que j'écoutais avec mes parents, mais des trucs que j'ai découvert plus ces 5-6 dernières années. Mortel, il est 21h08, qui te fait 52 minutes de mix très exactement. On reprendra la parole tout à la fin. Le premier track, tu peux le présenter, tu sais ce que c'est, tu te souviens? Je vais mettre Andreas, j'entends mon cœur qui bat, 80. Mortel. C'est Jonas qui envoie le premier morceau, et puis t'as plus qu'à passer derrière. Youps. Merci. Et dans Boom Bomo, vous écoutez Prune 92 FM, on reprend la parole d'ici 50 minutes. Youps est au contrôle, à tout de suite Jonas. Merci. Satin qui descend sur ton cou et retombe sur tes reins. J'aime tes doigts mêlés dans mes cheveux mouillés. Je sens ton cœur qui bat. J'aime ce rythme-là. Les paupières de mes closes, doucement tu frémis. Et sur tes lèvres roses naît la nuit infinie. Thank you. Au coin du bar se trouve Lipstick, une symphonie sensuelle.

Là, c'est pas encore complètement les vacances, mais ça y ressemble beaucoup. Youps, dans Boom Bomo sur Prune. Wouh, oh, c'est un peu timide là, allez. Oh. Merci beaucoup, Youps. Pure mix. Merci à vous. Pure vibe, bien 90. Il y avait quelques bombes. J'ai même l'impression qu'il y avait que des bombes. C'était digué un peu. Ouais, trop chouette. Il y avait même un petit hommage à Jean-Louis Murat qui est décédé la semaine dernière. Ouais, ouais. Ça, c'est trop mimite qu'elle est discrètement, sans le dire, un petit hommage. Trop bien, on retrouve ton set en podcast dans les jours qui arrivent avec la tracklist comme d'habitude et on te retrouve en DJ set à Nantes dès ce week-end je crois. Ouais, à la guinguette des Nantais avec Romain. Romain toujours, FX à Saint-Herblain, encore et toujours Romain FX. Fauve, et le crew Vitamine et Geneva, une artiste qu'on va bientôt intégrer à Fauve Radio dans peu de temps. Donc ouais, un petit open air de midi à 22h ce week-end. Mortel, Youps dans Boom Bomo, un premier passage de grande qualité. Je me tourne vers les gens qui sont en face de toi. Jonas, est-ce que tu peux venir me soutenir? Parce que là, il y a eu un gros, gros, gros retour dans le passé. Est-on en 2014, en 2015 ou en 2016? Yannis et Solange, comment ça va? Bah ça va. Salut Vincent, salut Jonas, salut Solange. Salut tout le monde. Mais what? C'est drôle, hein? L'équipe historique de Boom Bomo est réunie, c'est marrant parce que ça fait... Donc on va fêter nos 10 ans la saison prochaine et ça fait quelques semaines, quelques mois que je commence à en parler un petit peu. Et là, ça y est, ça prend forme. L'équipe historique de Boom Bomo est réunie avec Jonas, Yannis, Solange et moi-même derrière les micros de Prune. Et en plus, il est 22h03, c'est l'heure à laquelle on commençait. Exactement. Ça fait super plaisir de vous revoir. Ouais. Toujours. Alors d'ailleurs, il n'y a pas eu de problème technique aujourd'hui. Jonas, n'hésite pas à couper un micro à un moment ou... Je sens que je vais oublier d'allumer mon micro déjà et puis... sans doute une platine là, je pense. Ouais. Ah ouais. On va essayer de faire ça, une émission Boom Bomo sans problème technique. Ce n'est pas une bonne émission Boom Bomo. Yanis, trop cool, ça fait une éternité qu'on t'a pas vu. Il n'y a pas grand chose qui a changé, on est toujours sous cette petite lumière d'hôpital, on ne peut pas emmener nos canettes à l'intérieur, on peut faire mieux. Toujours aussi beau. Et tu n'as, pas toujours, pas, tu n'as toujours pas payé ta cotisation. Je n'ai toujours pas payé ma cotisation. Parce que c'était le running gag à l'époque, tu as été bénévole 3 ans à Prune sans jamais payer ta cotisation. Sans jamais la payer avant le mois de mars-avril, je voilà, pense. C'était c'est ça l'idée. Je me tourne quand même vers Solange, ou plutôt devrais-je dire Marie Beyoncé, car c'est toi, Solange, qui va passer de la musique lors de la prochaine heure. Tu étais aussi avec nous lors des 3-4 premières saisons, on se posait la question tout à l'heure. Je crois que c'était 3. 3 saisons. Ouais. 3 saisons qui t'ont paru 4, c'était trop non. long. Non, mais il faut savoir s'arrêter à un moment. Ben, enfin, non, mais après c'était... Tu dis ça pour Vincent ou... Moi, je continue. Jonas et moi, on continue Boom Bomo. Non, non, mais pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, parce qu'évidemment que ça les intéresse. Non, mais ça faisait quand même quelques années avant ça que j'étais à Prune. Donc voilà, et que j'étais bénévole. Donc il y a des moments où oui, c'est bien aussi de... que la roue tourne et que d'autres personnes prennent la place et que chacun, chacune aille vers d'autres aventures. Et même si tu as quitté Boom Bomo et même si tu as quitté Prune, tu n'as pas quitté la radio, puisqu'après, on t'a entendu sur d'autres ondes. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. J'ai travaillé notamment à Sun, donc juste à côté. Et puis, en fait, c'était un peu ça. Si, j'ai fait France Bleu pendant que j'étais C'est vrai que j'ai fait France Bleu pendant que j'étais aussi à Boom Bomo. Mais bref. Et en parallèle, quelques DJ sets de façon... En dilettante, c'est toi qui te décris comme ça. J'ai repris les mots dans ta petite bio DJ en dilettante. Moi, ce qui m'a donné envie de te réinviter, alors déjà, c'est les 10 ans qui approchent. Et je me suis dit que lors de ces 10 ans, on allait forcément être amené à se croiser. Donc autant commencer à se croiser dès maintenant, parce qu'il y a très forcément bien. Des belles choses à faire. Au moins une belle émission à faire tous les 4 ensemble dans le cadre de nos 10 ans. Mais ce qui m'a dit, tiens, Solange, il faut qu'elle vienne mixer absolument, c'est ce set pour les valseuses. Cette croisière sur la Loire, trop, trop cool. J'ai plus la date en tête. C'est le samedi 10 juin. Trop donc cool. La semaine prochaine. Je crois qu'il reste encore des places. Ouais. Et du coup, c'est le label Futur qui m'invite, le label nantais, plutôt pop indé. Et du coup, c'est la deuxième fois que je fais ça, parce que je l'avais déjà fait l'année dernière, il m'avait déjà invité. Et c'est quand même assez chouette comme expérience. J'avoue, pour moi, en plus, personnellement, il y a un petit côté transfuge de classe à faire de la croisière comme ça, même si c'est que sur la Loire. Et puis, c'est quand même très cool aussi de passer de la musique avec un public qui a envie de danser, parce que moi, c'est un peu les trucs que j'aime bien faire. Alors, juste, depuis qu'Yannis n'est plus dans l'émission, on est beaucoup moins à gauche qu'avant. Je tiens juste à te dire la petite remarque. C'est aussi pour ça que je suis parti. On est quand même à gauche, mais bon, moins. On est moins militant, quoi. À quoi on peut s'attendre pour cette croisière sur la Loire, du coup, les valseuses? Quel genre de musique tu défends? Comme je disais, moi j'aime bien les trucs où ça danse, parce que moi-même, en fait, j'ai l'impression des fois de plus danser que tous les gens qui sont devant moi. Donc en fait, je mets beaucoup de trucs qui me font kiffer, un peu comme des choses que je vais mettre ce soir. Et du coup, j'ai plutôt une approche très pop de la musique, du coup, d'aller chercher des choses qui peuvent sonner très populaires, mais en fait, que je trouve, qui ne sont pas forcément... diffusé sur toutes les radios. Donc voilà, des choses qui groovent un peu. Pour le coup, pour les valseuses, il y a de l'anglais, du français, de l'instrumental des fois. Là, ce soir, j'ai ramené que du français. Parce que c'est Boom Bomo. Et ouais. Du coup, je me dis, quitte à être dans une émission un peu musique française, autant mettre en valeur aussi la langue. Donc il y a beaucoup de... Ça parle beaucoup dans les morceaux que je vais passer. Et parce que j'aime bien aussi mettre des textes à la fois où ça danse et à la fois aussi où il y a des gens qui écrivent bien et où ça y est, on s'est enfin débarrassé du fantôme de Serge Gainsbourg. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée d'aller chercher des trucs pop, dansants et des fois des morceaux qui me font rire toute seule. Enfin, il n'y a que moi que ça fait rire. Mais du coup, on va rire avec toi ce soir, j'en suis sûre. Et ce blaze, on peut en parler très rapidement parce que tu n'avais pas ce blaze-là à l'époque, Marie Beyoncé, oui. Mais oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, trop coup, bien. Pour complètement casser mon anonymat, en fait, mon nom de famille, c'est Marie B. Donc, Marie B, Marie Beyoncé, en sachant que Marie B, en fait, c'est le prénom même de ma grand-mère paternelle. Donc, il y avait un petit côté filiation aussi. Et puis, Beyoncé, parce que je pourrais vous faire toute une conférence sur elle, sur ce qu'elle apporte, sur ses trucs problématiques, mais on n'a pas le temps. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez important dans la musique aujourd'hui. Et du coup, voilà. Puis je m'appelle Solange, sa sœur s'appelle Solange. Enfin bref, il y avait un truc un peu rigolo à faire. On fera une Boom Bomo la semaine prochaine, Boom Bomo spéciale Beyoncé, avec une chronique Pourquoi Beyoncé est de droite par Yanis. Très bien, exactement. De ouf. Elle a quand même beaucoup de qualité. Yanis qui nous fera un petit report du concert de Renaud également, il n'y a pas très longtemps, puisque tu adores en parler, tu peux nous en parler d'ailleurs. C'est le public qui a chanté visiblement. J'ai vu des gens passer qui disaient que c'était vraiment super parce qu'ils avaient réussi à le faire sourire. et qu'ils avaient chanté et que de le faire sourire en chantant ses propres chansons, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir. C'est l'inverse, quoi. Et je me suis dit que si tu veux un concert pour chanter et faire sourire le mec qui est sur scène, c'est toi qui devrais être payé. Mais ouais. Bref. Mais il y avait une happy hour sur le pastis, donc... Ouais. Ah non, mais. Youps, pour que tu sois au courant et pour que les auditeurs soient au courant de cette private joke, à l'époque où Yanis était dans l'émission, il parlait de Renault toutes les semaines, tout simplement, en bien quand il parlait du Renault des années 80 et en mal, en terriblement mal quand il parlait du Renault actuel. Donc ça fait 20 ans que j'attends sa mort, quoi, pour la faire courte. Marie Beyoncé est au platine. Vous écoutez Prune, vous écoutez Boom Bomo, musique française curieuse. On dit plus musique française des années 60 à 80. On dit musique française curieuse maintenant. On a élargi le spectre complètement et on va l'élargir encore plus en juillet avec cette soirée Bal Bomo dont je parlerai à la fin du mix de Marie Beyoncé. Le premier morceau. Et bah du coup, petit clin d'œil, j'ai pris un morceau d'Étienne Dao qui fait une reprise qui s'appelle Chez les Yéyés, mais du coup c'est un morceau des années 80. Donc voilà, c'est un peu l'idée aussi du mix, d'aller chercher des musiques qui des fois sonnent un peu comme une époque mais qui ne sont pas du tout de l'époque qu'elles sont. Enfin bref, du coup j'ai trouvé ça rigolo de commencer. Mortel, Étienne Dao, c'est Marie Beyoncé au platine, Jonas, cette émission est vraiment mortelle. Vous écoutez Boom Bomo, on se retrouve à 23h, à tout à l'heure. T'as du run, run que tu écoutais au bar doum, doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les sous les tam-tam du je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. J'ai une coupe, coupe à grand arrêt. Bon, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les tu me diras. Un mec en con ou un maître de mou. n'y avais jamais pensé. J'ai simplement fait. Être femme pour toi, ça veut dire quoi? Suivre ma voix, V-O-I-E. Suivre ma voix, V-O-I-X. Est-ce que ça s'apprend de devenir maman? Mon cher, le question, le question. Fais ou même, ok, ouais. Est-ce que tu vois bien ce que je vois? Tu me le rends tellement en étant mon enfant. Mais tampon, mais il joue. Maman, Satan apprend à accepter l'amour. Satan, mais tampon, mais il joue. Maman, Satan apprend à accepter l'amour. Sortir, j'avais même pas envie. Parce que ce qu'on vivait toutes les deux, on jouait, on chantait, on faisait plein de trucs. Tout ce que je pourrais faire pour éliminer, pas les obstacles, les obstacles de la vie, elle pète sa gueule, elle m'appelle, on parle et puis c'est fini. On pense les blessures. Instaurer cette communication depuis toute petite. Maman, j'ai fait une bêtise. Mais si je te dis, ben, tu vas être fâché sur moi. Siffler en travaillant pour vivre. Elle saura se consoler. dansant, en fréquentant ces garçons. Jeune fille, habilement écorchée comme ses vêtements. Après ses rendez-vous galants, pense à sa reconversion. Un suçon dans le cou, épaule tournée vers la joue. Bébé requin n'a pas peur des profondeurs de l'océan. Jeune fille, acharnement, charmante comme un armement. Raillera ton nom sur le sol en souriant de toutes ses dents. Lorsqu'on lui pose gentiment, ne répond pas aux questions. Jeune fille, habilement, au cœur de la discussion. La nicotine et la menthe, dans un silence de plomb. Un frisson dans le dos, cheveux collés sur la peau. Bouge vermille, on n'a pas peur quand il s'agit de passion. Jeune fille, acharnement, charmante comme un armement. Souriant de toutes ses dents. Les vagues dans Ma belle, la seule issue c'est l'eau de Javel. Au mal d'amour, on migraine. Allez, à la semaine prochaine. Ça swing au pressing. On met les sous dans les machines. Chanteur, Lady Crooner. Je

plein dans la vie. On cherche. Des fois, on trouve réponse à nos questions. Mais pas souvent. Sortir dehors, ça me ferait pas tôt. Regarder une série, peut-être une deuxième. d'être vivant. Alors, il faut en profiter, sans culpabiliser. Je te vois t'approcher dans un rêve, un nuage de fumée. Il est tard, oui. Un jour, par hasard, logé dans le noir. Je rêve que je rêve sur mon lit écrasé. Hors de moi aspiré, je tombe à la renverse, les yeux ouverts dans mon sommeil. J'ai découvert le rêve que je rêve sans le soleil. J'ai peur de la peur de mourir tout à l'heure. J'ai peur de la peur de mourir tout à l'heure. Je tombe, je tombe, je tombe sombre de la tête aux pieds. Je perds pieds joints, mains liées vers ma tombe, ma tombe, mon corps. Marie Beyoncé dans Boom Bomo, vous écoutiez Prune, on est ensemble depuis 21h, c'est les dernières secondes de l'émission. Merci beaucoup Marie Beyoncé pour cette sélection dont on retrouve la tracklist dans quelques heures ou quelques jours. Je me suis un peu ramolli. À notre belle époque, c'était en ligne dès la fin de l'émission. Maintenant, ça met parfois 3-4 jours. Ok, je vieillis, moi aussi Yanis. J'atteins pas ton âge canonique, mais... Ah, vous en êtes là, carrément. Ok. Je reviendrai, Vincent. Merci beaucoup à nos deux invités. Youps, on te retrouve ce week-end. Les Nantais, la Guinguette avec Romain FX et Vitamine. Rappelle-moi la date. Samedi, ce week-end, là, le 3 juin. Samedi 3 juin. Et toi, Solange, plein de belles dates à arriver. Cette petite croisière, les Valseuses, dont on parlait tout à l'heure, c'est le 10 juin. Tout à fait. Samedi 10 juin. Et puis aussi une autre date, le vendredi 7 juillet à Monsieur Machin, avec ma chère Viril. C'est son nom. DJ Viril. DJ Viril. Hey. Et du coup, ça va être cool. DJ Viril. Sinon, j'ai des cousinades aussi, mais ça ne vous intéresse pas. Mais j'emmène ma fille à 7h matin à Neustrie, vous pouvez me retrouver. Très bien, ok. Intéressant. Magnifique. Merci beaucoup, Solange, Marie Avec Beyoncé, plaisir, merci, pour ce mix. Voilà. Super. 100% vinyle, on ne l'a pas précisé. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi je me fais des trucs comme ça, alors que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais, Martel. Mais voilà. Trop cool. Nous, on se retrouve le mois prochain pour la dernière Boom Bomo de notre 9e saison. Oui. Et on se retrouvera un petit peu plus tard dans l'été, le jeudi 13 juillet, pour cette fameuse Bal Bomo. Je tease, mais j'en ai pas vraiment parlé. Voilà, comme je le disais en tout début d'émission, en introduction, Boom Bomo est fier de vous annoncer la naissance de sa petite sœur Bal Bomo, qui est non pas une soirée consacrée aux musiques françaises curieuses, mais une soirée consacrée aux musiques traditionnelle des pays de France, musique curieuse traditionnelle des pays de France. Donc on ira explorer les esthétiques de Bretagne, du Poitou, d'Auvergne, d'Occitanie, d'Anjou et d'ailleurs. On commence le jeudi 13 juillet avec un concert de psyché rock d'un groupe qui s'appelle Brahma. C'est un groupe auvergnat qui a la deux particularités. Non seulement il chante en occitan, mais en plus il y a une vielle à roue sur scène. Donc ça risque d'être bien mortel. La fameuse Via Larou, oui. Voilà. On a lâché la com' cette semaine, les affiches seront bientôt dans tous les bars de Nantes, on les reçoit normalement d'ici quelques jours. Donc il y aura Brahma en live et Stella Maris et moi-même au platine pour des DJ sets, parce que ça va être ça le cœur des soirées Balbomo, du live autour des musiques trad et des DJ sets aussi autour des musiques trad. Au bras de fer. À bras de fer le jeudi 13 juillet. J'ai dit quoi ? Tu l'avais pas dit. Ah, je l'avais pas dit. Merci beaucoup Yanis, mais comment j'ai fait toutes ces années sans toi ? Reprends ta cotise. J'ai dû oublier tellement d'infos, quoi. Ouais, tu m'as vraiment j'ai manqué. J'ai écouté les podcasts, c'était moyen, quoi. Au niveau de la technique, c'était comment ? On en reparlera, c'est pas lui. Je dis que ça a beaucoup progressé, j'aime ça. Yes. Après, on t'avait un peu mis de côté, on voulait pas que tu sois un peu comme Renaud, tu sais, que tu reviens. Ah, ouais, stop. Et on est content de te faire sourire ce soir, Yanis. C'est le principal. Merci beaucoup à Youps pour ce set chambé en introduction. Merci. Merci beaucoup à Marie Beyoncé pour ce set magnifique aussi. Et on termine avec un morceau de Brahma, Jonas ? Oui, tout à fait. Ma Joya. Ma Joya. Jeudi 13 juillet, veille du jour férié, on se retrouve à bras de fer pour la première Balbomo. Merci Youps. Merci Marie Beyoncé. Yanis, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Rendez-vous le mois prochain. Bisous. Ciao les petits loups. Salut. Bisous.